Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jessica Hanet. Bonsoir. Bonsoir Jessica, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, super, merci. Alors Jessica, comme vous pouvez le voir, elle a la joie de vivre, elle est à fond. Pour ceux qui la connaissent, ils savent qu'ils l'ont plus entendu rire que parler. Mais c'est pour ça que moi je kiffe la rencontrer et discuter avec elle et je tenais à ce qu'elle soit sur ce podcast. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Une fois j'ai fait un festival et donc c'était un passage de 25 minutes. Alors tous les humoristes savent que c'est très long. 25 minutes, surtout si tu bides. Oui. Donc évidemment tu montes sur scène, t'es contente, tu te dis je vais pas bider, tu pars pas de ce principe là, tu dis ça va bien se passer. Et j'ai un sketch où il y a quand même des silences à instaurer, tout ça, voilà le sketch du mariage. Ah d'accord, oui. Oui, tu fais un discours de mariage, voilà. En fait, le discours au mariage de ta meilleure amie. Exactement, le discours de la témoin au mariage de la meilleure amie, donc il y a quand même des moments de silence, tout ça pour le discours. Et donc là en fait ils avaient tous une feuille pour voter, parce qu'à la fin on votait pour les quatre, il y avait quatre humoristes, et on était six humoristes, il fallait voter pour l'humoriste préféré. La moyenne d'âge de ce festival était d'à peu près 80 ans. Je donne cette info, on la prend comme on veut. D'accord. J'arrive, je me prépare, confiante. Et là, un silence de mort, mais comme jamais. Mort, tu parles par rapport à l'âge ou... Ah ben là, encore une fois, chacun déduit ce qu'il veut. Mais clairement, et ça faisait 2 minutes que j'étais sur scène, pas une réaction. Et c'est-à-dire qu'il y avait... C'est long, hein, 2 minutes sans réaction. 2 minutes sans rien, c'est long. J'avais les spots dans la gueule, c'est-à-dire que je ne voyais personne. Donc j'ai vraiment cru à un moment donné que les gens étaient partis, parce que j'étais passée après une entracte. Et je me suis dit, en fait, les gens ne sont pas rentrés. J'ai démarré, il faut que je retourne, tu vois. Et non, et je vois quand même le premier rang. Je me dis, ils sont là, et je vois un papy. Et à un moment donné, en fait, donc ça fait quand même 5, 6 minutes, 7 minutes, aucun rire, rien, la mort. Et au bout d'un moment, donc le silence, hein, et j'entends le papy devant moi, je le vois, qui prend la feuille, et j'entends. Il était en train de déchirer, en train de choisir l'humoriste qu'il avait préféré. Oh, le bâtard. Et c'était clairement pas moi. Oh, j'imaginais. Donc devant moi. Et je vois sa femme à côté qui prend son téléphone et qui commence à rire toute seule en envoyant des textos ou des trucs. Oh, La gênance ultime du moment. Ça a été la pire soirée de ma vie. Mais sans rigoler, la pire soirée de ma vie. J'imagine. Ouais. Et j'ai tenu 25 minutes, je ne sais pas comment. Je suis sortie en mode zombie, genre autopilote. Je veux rentrer chez moi. Tu t'es mis en pilote automatique. Je me suis mis en pilote automatique. J'ai dit, je veux rentrer chez moi et je veux être boulangère. J'arrête tout, c'est terminé. Et du coup, tu ouvres quand ta boulangerie? C'est l'angoisse. Mais écoute, bah là, je réfléchis fortement. Je suis en train de faire une petite formation. En ce moment, je suis sur la petite brioche et la petite miche. Mais non, clairement. Pour ceux qui m'ont déjà vu sur scène, la brioche, ça me connaît. Ça, y a pas de souci. Tu vois, on a ça en commun là, finalement. Mais sérieux. Non, c'était très gênant. Et je te comprends parce que c'est... Alors déjà, tu sais, dans les plateaux classiques, en général, c'est 5-10 minutes. Ouais. Donc déjà, 5-10 minutes de bide, c'est 25 long. Minutes, tu remets toute ta vie en question. Ah bah oui, c'est sûr. T'as le temps de réfléchir à tout. C'est sûr. Tout. Le trajet chez toi, vers chez toi a dû être long. Ouais, et en plus, t'es pas chez moi. Après, je suis dans une petite chambre d'hôtel de merde qui s'avait payée. C'était atroce. C'était vraiment atroce. D'accord. Est-ce que t'as essayé de te pendre avec le rideau de douche? Ben, il y en avait pas. C'est ça le problème. Tu vois, c'est que c'est vraiment. J'ai dit, c'est une chambre d'hôtel low cost. On était. Hein, elle joue 25 minutes. File la chambre sans rideau. Tu l'as. Mets-la dans l'entrée. Mets-la dans le hall. On s'en a rien à foutre. Elle se casse demain matin. De toute façon, celle-là. Et puis le pire, c'est quand ils viennent après et qu'ils, tu sais, ils me tapent sur l'épaule puis tu sais. Courage. Il y a des soirs comme ça. Je suis là. Mais moi, j'étais au max de ma représentation. Tu vois. Mais ça va encore. Tu vois, ils t'ont dit. Il y a des soirs comme ça. Il y en a certains, c'est juste. Courage. Ouais, c'est horrible. Ce mot-là. Et après, il y en a certains qui m'ont regardé juste avec un sourire, même pas de mots, c'est genre. Oh. Ouais, le sourire de compassion. Allez, c'est ça. Non, c'est très très gênant. Mais après, il y a des bons moments aussi, ben heureusement. Mais c'est comme les humoristes des fois qu'on vient voir à la fin comme ça et que les gens viennent voir, tu vois, ils leur disent genre, vous avez un autre métier à côté ou... Ah oui. Toi, t'as envie de dire pourquoi tu t'inquiètes pour moi ou... Bah attends, mais très récemment, justement, pareil, j'ai fait un festival. Décidément, c'est tout le temps dans les festivals. Et il y a un mec qui arrive, il fait, ouais, bon. Vous n'étiez pas ma préférée, hein. Oh là là, direct. Vous n'étiez pas ma préférée. Pas ma préférée, bon. Après, vous avez raison, hein, faut persévérer. Vous faites ça depuis combien de temps? Un mois, deux mois? Ben, ça fait 2 ans, quoi. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Ah oui, bon, ben là... Ouais, bonne soirée, est parti. Mais je crois qu'il n'y a pas pire qu'un spectateur qui juge comme ça. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en festival... Les gens s'en rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que t'es... C'est quand même... Enfin, tu donnes un peu de toi, tu vois. T'es en souffrance, bah oui. T'es en souffrance des fois, quoi. C'est terrible. Oh là mais bon, après, heureusement qu'il y a des meilleurs moments. C'est sûr. Donc, tu avais une autre anecdote. Oui, alors il y a une fois où j'ai... Donc là, c'est un des pires moments que j'ai passé sur scène, mais d'un point de vue technique. Tu vois, là, oui. C'est d'un point de vue technique de mon corps qui n'a pas accepté... C'est pas le public. Non, c'est ah pas non. Le public. Là, le public était très bien, tout était très bien, c'est juste mon corps qui n'a pas accepté. Il s'est dit, stop, maintenant ça suffit, Jessica. On va reprendre les choses en main, on va t'envoyer un petit message. Ça fait 6 mois que t'as pas dormi. C'est ça. Puis on va t'envoyer un message maintenant. Voilà. Et en fait, j'étais à 40 minutes de mon spectacle, donc il restait plus de 20 minutes. Hein. Et là, en fait, je termine un sketch où je fais comme un salut, en fait. Et là, je fais le salut et je sens le lumbago de la mort, mais d'un coup, un espèce de torticolis lumbago tout mélangé. Je ne pouvais plus bouger. Il y a le noir, je reste bloquée en bas, en mode mais qu'est-ce qui se passe ? Comment je fais pour... Et là, je me relève, je ne sais pas comment, et je devais partir derrière le rideau, en fait, pour après réenchaîner un autre personnage. Et en fait, après, j'enchaînais avec un cours de yoga. Oui. Il fallait que tu fasses des postures. C'était atroce. Et du coup, je. Non, j'ai terminé le cours de yoga. Et c'est à la fin. C'est à la cause du cours de yoga. Paf, torticolis. Donc la fille, elle fait la prof de yoga. Et du coup, je sors. Et en fait, c'était atroce. J'ai passé la fin du spectacle en mode complètement schizo. Non, complètement schizophrène. Parce que je me suis dit, il faut pas qu'ils le voient. Donc quand j'étais face à eux, j'étais normale et je bougeais. Et dès que je tournais la tête, j'étais comme ça. Et dans les coulisses, j'étais là, j'ai mal. J'avais trop mal. Mais comment t'as réussi à gérer ? Je ne sais pas comment, mais j'avais une douleur. C'est-à-dire qu'au moment, je voyais flou. Je ne les voyais plus. J'avais tellement mal. Le truc se termine, ils m'attendent à la sortie. Là, ils me voient sortir, mais j'en pliais en deux, c'est comme ça. Et ils rient. Évidemment, ils rient. Mais ouais, qu'elle est marrante. Jusqu'au bout, un personnage, il me tape dans le dos. Tu sais, en mode, laissez-moi. Je me suis retrouvée sur le comptoir du bar de la sortie du truc avec une femme du public qui me faisait un massage, un truc thaïlandais. Je me suis quand même tapée dans le dos. J'ai mal. Ça a duré une semaine, torticolis. C'était le plus. Et apparemment, c'est un torticolis en fait, parce qu'une pote chiropracteur m'a dit que c'était un énorme torticolis. Une semaine, mais j'ai duré avec c'est ça. Que le coup, un torticolis. Et ben en fait, non, il passait, ça passait jusque, ouais, dans, le dos. Jusque dans le dos. C'était une douleur comme jamais. Et là, c'est là où tu te dis, oh, quand même, le spectacle, je l'aime. Parce que pour continuer, et je vous aime les gens, parce que j'ai envie d'arrêter. Je vous jure que j'ai envie d'arrêter. Mais il y a le stress qui fait que on continue. Mais je pense qu'en fait, il y a un truc, tu sais, il y a une espèce, ce qu'ils appellent en anglais, genre, je l'avais entendu, moi, de la bouche de, comment il s'appelle, j'avais vu ça sur un podcast, il racontait ça, c'était... C'est Patton Oswalt, si tu connais Patton Oswalt, excellent le mec, il est super et tout, tu le connais sûrement parce qu'il joue dans des films et tout, et il est humoriste et c'est un des meilleurs humoristes américains, et il racontait qu'il est monté sur scène, genre avec, tu sais, avec une espèce de gastro, un truc de malade, mais c'est vrai vraiment. Qu'il y a comme un pouvoir sur la scène. Voilà, et ils appellent ça stage health, c'est-à-dire la santé scénique, tu vois. Et il est monté sur scène, il dit, je m'étais bourré de médicaments pour tenir le coup. C'est ça. Il racontait une galère d'humoriste d'ailleurs aussi, il dit, je m'étais bourré de médicaments pour tenir le coup, j'avais 10 minutes à faire, je suis arrivé, j'ai fait bonsoir, nanana, et il y a un mec dans le public qui a balancé une insulte. Et il dit, ça m'a fait perdre tous mes moyens. Ouais. J'ai fait, bon, le suivant, on va l'accueillir. Tu vois, il a présenté le suivant direct. Il a tenu, il dit, j'ai tenu 30 secondes. Ouais, on dirait que notre corps, il calcule le temps exact. Voilà. Genre, je te laisse ce temps-là et après, tu vas retomber mais comme une merde. Voilà, mais c'est ça. Mais, mais la le descente, corps, en fait, elle est violente. Hein. Mais à la base, normalement, il devait tenir. Mais là, le gars, il l'a cassé. Ouais, ouais. Et moi, ça m'est déjà arrivé aussi. J'ai joué, en fait, je toussais à fond. Tu sais, j'étais vraiment. J'étais mal avec toi. Voilà, je toussais à fond. Genre, juste avant le spectacle, j'étais là. On va lancer dans pas longtemps. J'arrive sur scène, je fais le spectacle, nickel, pas une quinte de tout. Je termine le spectacle, tout le monde, merci beaucoup, au revoir. On peut se retrouver juste à côté, voilà, on peut discuter, prendre des photos et tout. Les gens venaient me voir à côté, bravo, c'était super. Ouais. Ils ont dit, oh le pauvre, mais voilà. Malade comme ça, en fin de vie. Non, mais, et ils montent quand même sur scène. Pas loin. Non, mais j'ai halluciné. C'est atroce. C'est avant le spectacle, je tousse. Oui. Le spectacle, je tousse pas. Et j'ai rien fait. C'est j'ai pas incroyable. Pris de médoc. Hein. Ouais. J'ai rien pris du tout. Mais c'est le. Ouais, pareil, c'est moi, le mystère, fois, combien de fois avec des migraines ou l'angine. Mais tout le monde. Et en fait, on y va. Et par contre, après, c'est violent la descente. Ouais, c'est quoi. ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais écoute, c'est ce qui fait qu'on aime ce métier. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces anecdotes. Merci à toi. Avec plaisir. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, sur Facebook, Instagram, avec le nom Jessica Anné. A2N2ET. Comme bonne année. Voilà, exactement. Année comme la bonne athée. Comme la bonne athée. Comme la bonne athée. Je suis une bonne athée. Comme la bonne année avec un T à la fin. D'accord. Okay. Je vous avais dit. Comme la bonne athée. Tu sais quoi, avec son rire et le mien, je suis sûr qu'on peut remplir une salle. Oui. Rien que tous les et deux, tu vois. Rit. Mais oui, c'est les bah exactement. Thérapies, là, ça mais c'est existe. Ça, c'est ça. C'est et puis il y a les rieurs, tu sais, dans les spectacles oui, et tout. Oui, voilà. C'est vrai. Et nous deux, on pourrait faire rire. Un chauffeur de salle, quoi. Bah exactement, exactement. Là, à l'opposé de l'autre, on se regarderait, on rirait tout à l'heure. C'est ça. Bah oui, comme les on a le rire communicatif, on se met à des endroits stratégiques, tu vois, et on balancerait des ondes comme ça, tu vois. Et ça se passerait très bien. Donc, ok, donc Jessica Anné, donc sur Facebook. Facebook, Twitter. C'est ça. Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Et Gmail, après j'ai Gmail. MySpace. C'est ça, voilà. Et okay. WhatsApp. Et WhatsApp ça, également, voilà. Ok. Vous pouvez envoyer également des dons en francs. Hein, oui, c'est ça, je prends tous les dons, toutes formes de dons. C'est ça. Et donc pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et sur Gmail aussi. également. On est tous sur Gmail. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous. Même à toi là-bas.